Vos oreilles sont-elles prêtes pour un peu de nouveauté? Le poste d'écoute est maintenant ouvert. Bonne semaine de Pâques! Bienvenue dans le poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous, en même temps que vous, pour la première fois. À chaque semaine, on prend les albums que ces fois reçus depuis les 7 derniers jours, on les déballe, on les écoute en direct comme ça, on fait découvrir des choses, on découvre des affaires là, qui pourraient devenir des gros succès. C'est interplanétaire là, dans toutes les radios du monde. Cette semaine, du côté francophone, petit avant-goût de ce qu'on va entendre, une réédition de l'album de Polype. On a aussi reçu un nouvel album de Vito, de Bia Nocturno, l'artiste De Mars, et aussi Ivy avec Slamerica. Mais on va commencer ça par L'Enfer. Le titre de la chanson, c'est Monde Idéal. C'est la seule pièce qu'on a reçue de leur part. Leur album va sortir en avril 2008. Et les voici tout de suite. Monde Idéal de L'Enfer dans le poste d'écoute. Au 89.1 FM, dans vos oreilles. Tous nus au monde avec les mêmes défauts. Ça sert à rien d'essayer de tout contrôler. Moi je fais de mal à personne, j'ai rien à me reprocher. J'suis normal. Pis toi t'arrives avec ton monde idéal. Tu voudrais me protéger de tout ce qui est mal. Wow, c'est certainement pas toi qui va me faire la morale. Avec ton monde idéal, on a le sexe, l'alcool et le rock and roll. Pourquoi se priver de ça quand ça fait autant bien? On est loin d'être parfait, mais on dérange personne. Pis toi t'arrives avec ton monde idéal. Tu voudrais me protéger de tout ce qui est mal. Wow, c'est certainement pas toi qui va me faire la morale. J'ai déjà mon monde idéal. La formation L'Enfer dans le poste d'écoute, c'est un groupe de rock alternatif metal qui vient un peu partout au Québec, de Montréal à Rimouski, qui disent, et ils disent aussi ça rock en salle L'Enfer. Il va être en spectacle le 20 juin prochain à 20h au festival Trink Junction de Trink Junction au Québec, c'est loin un peu, et non seulement la ville mais aussi la date, et le 18 juillet à 20h au festival dans le coin de Montmagny. Kevin Vachon, Snick, ou Yannick Blais, Toad, ou Gabriel Nadeau, et Marco Bouchard sont les membres de ce groupe L'Enfer. L'album est maintenant en vente. Allez voir leur MySpace au myspace.com/L'Enfer. Ce n'est pas évident de tenir une foule de plus de 10 000 personnes en haleine, surtout quand tous ces gens ne vous connaissent même pas, qu'ils sont plutôt venus pour une légende vivante du rock québécois. Pourtant, avant même la fin de leur prestation, on pouvait déjà voir de nouveaux fans arborant le T-shirt officiel album en main. Dit leur biographie sur leur MySpace. Ce groupe, c'est L'Enfer, et cette foule de plus de 10 000 personnes était en fait venue pour... Ah, oh, ben oui! était en fait venu pour voir le légendaire Éric Lapointe. Si l'enfer était en première partie ce dernier, c'est qu'ils se sont emparés de la première place au concours de la relève du Festival d'été de Belœil, premier rang sur un total de 53 groupes, dont les gagnants d'Emergenza édition 2007. Et ceci en obtenant de la majorité des juges une note parfaite de 10 sur 10. Si vous voulez voir le reste de la biographie, allez voir le myspace.com/l'enfer. En un seul mot, sans l'apostrophe. Voilà donc, leur pièce s'appelle « Monde idéal », ça vient d'un album prévu pour avril 2008. On continue en francophone avec Ivy et son album « Slamerica ». Tout de suite, on écoute la pièce « Dire », qui sera suivie de « Montréal » et « Le soul et celle sous ». Dans le poste d'écoute, vous écoutez la meilleure musique du futur ou la pire musique. Peut-être, ça arrive, il y a des choses, tu sais, Éric Lapointe, on n'aime pas ça. On dit pas que l'enfer, c'était pas bon, au contraire. Tout de suite, Ivy, pose l'écoute, right? Dire directement, sans salmigondir, avant que la mort vienne nous redire ce que la vie aura voulu nous dire, du tout au tout, sans jamais défaillir. Dire qu'on s'endort en plein après-midi, qu'on travaille trop, c'est pas nouveau à dire, qu'on cherche encore un coin de paradis, rapidement, c'est bon pour le cardio. Quoiqu'au micro, c'est un peu idiot, dire des gros mots pour se faire applaudir, tourner les coins ronds, espérer arrondir la fin du mois et le début de nous rire, tout son sou, surtout quand c'est pas fake. Ça vaut le coup, ça vaut un steak. Dire le petit enfant combien il va grandir, la belle balle apprendra à rebondir, qu'il était pas plus grand que mon avant-bras, et dire que bientôt il m'arrivera là. Oula, oula, la, la, human, step by, bye, baby, bon ben, bye. Dire tendrement, tu sais, c'est dur à dire, l'amour qu'on éprouve jusqu'à nous étourdir, que s'il nous arrive parfois de le maudire, combien on est pressé de recommencer, sans lasser. Ah, oh, c'est pas assez, c'est si bon, c'est cité. À quoi bon s'exciter? L'amour est aveugle, voilà la vérité. Et dire les yeux noirs de la mer en colère, les kids en kaki qui suivent les vats en guerre, et taire ces vagues qui ne servent à sourdir les appels à la paix qu'on voudrait rétablir. Taire ces nations iniques sur un modèle à rien, ces peuples qu'on voit si tripés pour à rien, sous tumulte de cris, de vers et de noyés. Dire Manhattan et le ciel foudroyé. Dire tant de mots, c'est veut dire on a beau dire, et beau jeu de se croire pas si pire, mais les mots montent en moton, mettons coton, moitié noté, au ton ouaté. Les mots démons, les mots disanges, médisants, bizarres et zézayants. Les mots zaïques des mausolées, mots isolés des alcooliques, unanimes. Dire les raisons et les verbes des tables de conjugaison, les excuses et les exceptions, Amstramgram, Matical et Collégram. Tous les mots de la langue s'empilent l'un l'autre et me montent au cerveau. Dire tant de mots, c'est veut dire on a beau dire et beau jeu de se croire pas si pire. Les mots montent en moton, mettons coton, moitié noté, au ton ouaté. Dire Manhattan et le ciel foudroyé. À quoi bon s'exciter? L'amour est aveugle, voilà la vérité. Maintenant, je veux que tu déchires la ville. que tu lui fasses la peau pour te faire les griffes. Comme on fait l'amour pour passer à travers un sujet. Et puis je veux que t'écrases cette ville qui fume pour ne plus jamais recommencer. Quand Montréal nous tient dans sa toile de ruelles ramifiées, elle fait mouche à tout coup. Chacun sa vie à son fil, sa ville à son goût. Moi, ma ville file, comme une araignée qui se défile, presque hostile au défi de la postérité. Montréal, c'est la modernité. C'est ce qui se dresse quand tu traverses l'eau. C'est ce qui te reste quand le reste fait défaut. Sans abri, sans maison neuve. Les Iroquois font bien ce qu'ils peuvent, t'sais. Tant que le beat coule, que les fluides circulent, que les tam-tams saoulent la foule sous la canicule. Et qu'on se métisse, et qu'on s'amalgame, et qu'on tisse la trame du grand slam. Oui, viens, y'en a tant que t'en veux. Pour les oreilles et pour les yeux. À toute heure du jour et de la nuit, y'a pas d'erreur, n'aie pas peur de l'euphorie des couleurs. T'as pas de casque, pas de froc, pas de job, c'est dol. Toi qui rêvais d'être une idole, mais lâche pas. Le fruit est mûr en son entier. T'as qu'à choisir ton quartier, donc prends ma main. Pose ta tête contre mon épaule, le pont est en vue. La ville pâlit, deux points. Ouvre les guillemets et le jour, point. Mais la ville bleue, un instant fait silence. Dans la rumeur montante, ferme la parenthèse de ceux qui se taisent et regarde, nous sommes loups dans la bergerie lue, dans les librairies renards, dans le poulailler agneau Pasco, parce qu'au fond nous avons les œufs dans les nids de poules et les mots dans les bouches du métro. Nous t'encensons, car tu nous enseignes jusqu'à la lie des tavernes libres. La ville rouge, de partout elle bouge, la chienne est tentante. Ouvre les parenthèses à l'aise et regarde les branches prendre les rues. Les écureuils tombés des nues et nous deux ébahis d'aller trouer la nuit. Montréal, c'est aussi la hache solaire qu'on déterre. C'est la montagne dans un verre d'eau. Le champagne en espéranto, la campagne en apéro. Montréal m'accompagne sous le manteau. C'est Paris, si c'est par en haut. New York City par défaut. C'est une rime de plus parmi tous les mots. Parmi tous mes mots, parmi tous les morceaux. C'est Québec, moins son château. Squatec, plus le techno. C'est la Beauce, moins les gâteaux. La sauce, sans les caillots. Une rime de plus parmi tous les mots, parmi tous les mots, parmi tous les morceaux. Si jamais tu veux te trancher les veines, coupe donc à travers les artères. Maintenant, je veux que tu déchires la ville. Que tu lui fasses la peau pour te faire les griffes. Comme on fait l'amour pour passer à travers un sujet. De l'autoroute, deux femmes font du pouce sous un saule pleureur. Et moi je devine leur cœur fier, comme une chaude pierre. Elles ravalent tour à tour leur salive et moi, ma première bière arrive dans l'hôtel, face à l'autoroute. Deux jeunes femmes poussent d'aval en amont de Laval à Montréal. Je trinque aux lueurs boréales rousses, chambrées, cendrées, blondes et la guerre. Naguère, ma jeunesse tentait le diable, pouce levé, insatiable de trouver la sagesse au milieu de la route, au lieu du doute. Alors qu'elles, c'est drôle. Un pack sac chaque sur l'épaule. Elle sourit au drôle de geôle, au geôle de tôle qui les frôle. Elle s'abandonne si bien au voyage. C'est si belle leçon de courage. Elles ont su tirer le cran d'arrêt et sonner le départ. Ouais, partir, comme on partirait si on n'était pas caméléopard. Perdu en ce coin de pays, je me sens seul, si esselé, quand la lune vole vient me troller. Isolé dans ce bar nyctalope, revampé en troc stop, peuplé de lycanthropes. Tourner toute la nuit comme une toupie, sous le sol, sous le ciel. Fuir mes ennuis comme un jeune hippie, changer de rôle avec elle. Une auto s'arrête, une portière s'ouvre, et la nuit les recouvre. Une auto s'en va, en aval de Montréal, et la nuit l'avale. Dans l'entrée de l'autoroute, le vieux saule pleure leur départ. Moi je mange une croûte, me sens drôle et pris du doute. Je détourne le regard, je pense aux promesses de la jeunesse et à la route éternelle. Je songe à regret de n'avoir pas fait un bout avec elle. Ivy avec la pièce Le Saule et celle sous. Resté de Montréal et de Tire, la première pièce de l'album Slamerica dans le poste d'écoute. Ivy, nouvel artiste chez Indica qui sort le premier album de slam québécois. Réalisé par Philippe Brault qui travaille avec Pierre Lapointe, Slamerica est une plongée hallucinante dans notre langue et notre cœur, dit le document de presse envoyé par l'étiquette. Il réunit les ingrédients du slam à vitesse supérieure en apportant fraîcheur et originalité à une vision d'un pays qui sombre dans la redite depuis 50 ans. Mais Slamerica, c'est aussi un livre, un spectacle et une expérience, d'autant plus attendu que Ivy est l'instigateur du slam au Québec. Il a non seulement fondé Slam Montréal et la Ligue québécoise de slam, mais offert des centaines de performances, dont à Radio-Canada, au Francophonie et au Festival de Tadoussac. Il a piloté de nombreux événements slam et contribué à la diffusion du mouvement. Connu pour son engagement et sa plume mirobolante, Ivy, aussi auteur, compositeur, interprète et poète, donne au slam ses lettres de grandeur. Bienvenue en Slamérique. Que c'est bien dit. Donc, pour plus d'informations sur ce nouvel artiste et pour consulter ses biographies et savoir plus de choses sur le slam, allez voir le myspace.com/ivycontact, I-V-Y contact, ou encore le www.ivycontact.com. On passe à de l'anglophone avec la formation The Priddle Concern. Ils nous ont envoyé un mini hippie de deux pièces seulement, Care About You et puis Back Around. On va l'entendre les deux pièces à l'instant. Voici The Priddle Concern. On découvre les nouveautés musicales en même temps que vous pour la première fois. C'est le poste d'écoute à C'est Fou 89 FM, la radio campus de Trois-Rivières, la seule radio qui diffuse la meilleure musique à Trois-Rivières. Je sais pas, quelque chose du genre. You chew so fast you can't taste it. Sit back. Une autre pièce de The Brittle Concern au retour dans le poste d'écoute à C'est Fou 89.1 FM. Vous intonisez le poste d'écoute, voici une deuxième pièce de la formation ontarienne The Brittle Concern, Back Around au 89.1 FM dans vos oreilles. I don't want any heroes to take any of my blame. I feel high, then I feel low. It seems more or less the same. I'm fine, you go on. Where did we go wrong? Tell the band, slow down. I'm coming back around. Tried to reach for the ceiling, only ever touched the ground. I thought I had a feeling, too bad nobody was around. I'm fine, you go on, like you need the chance to. Where did we go wrong? Something you can dance to. Tell the band, slow down, I'm coming back around. I'm coming back around. La formation de Brittle Concern avec Back Around, précédée de Care About You, ici dans le poste d'écoute. Donc, The Brittle Concern, c'est un groupe de indie rock alternatif d'Ontario au Canada. Les membres sont Bill Priddle, Mitch Bowden, Dave Dunham et Scott Remila. Vous pouvez les retrouver sur le myspace.com/TheBrittleConcern ou encore TheBrittleConcern.com. Mais les liens sont, comme toujours, sur le site du poste d'écoute au www.unechance.com. C'est la façon la plus facile de retrouver toutes les informations qu'il vous faut sur les groupes que vous entendez aujourd'hui, que vous les aimiez ou non. Allez voir le www.unechance.com, unechance.com. On retourne aux francophones. On a enfin reçu le nouvel album de Danny Placard qui s'appelle Raccourci. On va tout de suite entendre la pièce Slush, suivi de Raccourci et de Confesse. Mais on commence par la superbe introduction de l'album qui s'appelle Intro. Hein? Vous intonisez le poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés pour la première fois en même temps que vous. Tout ce qu'on soit pendant la semaine, depuis les 7 derniers jours, on les écoute, on vous les fait entendre pour la première fois. Je pense que ça résume bien le principe de l'émission. Et c'est assez fou 89.1 FM que ça se passe. Pour oublier que je pourrais geler, je bien emmitouflé dans mes couvertes, les yeux fermés. Je rêve que je me fais griller sur ma galerie, pis que c'est l'été. Ça dure depuis 6 mois. Les bandes sont rendues aussi haut que quand j'étais flot. I called you last night in the hotel. Fin que tout le monde. J'suis parti ta patrie. J'me suis perdu tout seul dans le bois. Et le chalet doit être loin. Pardonne-moi ma chérie, j'suis pas capable de prendre de raccourci. J'ai décidé de jeter mon argent la vide de mon pick-up. J'avais la tête pleine d'étoiles, puis la route était belle. Je sais, chérie, je t'avais promis de revenir avant la nuit. Je t'aime pour vrai, ma chérie, mais je suis pas capable de prendre de raccourci. Sur nos têtes, un jour peut-être ça pourrait changer. Mais je passerai ma vie à rouler. Je te dis pas ça pour que tu t'inquiètes. T'es la seule que j'ai aimée. Excuse-moi ma chérie, mais je suis pas capable de prendre de raccourci. Se marier à Vegas ou à LA, où tu voudras bien aller. Là, on s'en va tous les deux, puis on prendra pas de raccourci. On s'en va tous les deux, puis on prendra pas de raccourci. On s'en va tous les deux. Et on prendra pas de raccourci. cours de route dans le désert. Tu t'es mis à penser à ta mère. Les tempêtes pis les bonnes neiges commençaient à te manquer. T'avais rien que le goût d'or viré. Tu comptes en mille les jours qui s'éloignent. En arrière du trailer de ton truck. C'est bien beau les États-Unis, mais tu t'ennuies de ta femme et puis de tes petits qui t'attendent à Chicoutimi. Frontière entre le rêve et puis le Mexique. Pendant que le lift est l'autre, ton truck, tu leur expliques. Avec ton anglais qui boite, tu leur dis de faire ça vite. Parce que tu veux ça, quelqu'un dit. Le soleil vient de mourir, tu peux enfin partir. La fatigue se fait sentir, et puis l'ennui te fait souffrir. Tu sors tout ce qui traîne comme photo dans le fond de ton portefeuille. Habiter étale à côté de toi sur le siège du Alpha. Les lumières du Dash viennent éclairer ce qui compte le plus pour toi. Tes trois enfants et puis ta femme. Placard et la pièce Désert, précédée de l'entre-deux qui s'appelait Confesse, la pièce raccourcie, la pièce slush et l'introduction du disque qui s'appelle Intro. Danny Placard, un nouvel artiste, s'est joint à la famille Indica. Danny Placard, un des auteurs, compositeurs, interprètes les plus authentiques du folk rock québécois. Il roule depuis quand même pas mal de temps, mais il est nouveau pour Indica. Son nouvel album, je me suis presque étouffé. Son nouvel album intitulé Raccourci sera lancé le 25 mars au Divan Orange lors d'un 5 à 7 avec performance. Raccourci se présente comme une série d'histoires, des histoires toutes simples et touchantes, des vérités racontées ou plutôt chantées avec la voix intimiste de Danny. Sa biographie. Certains affirment qu'avec cet album, Danny sort finalement du placard pour nous offrir son album le plus achevé de tous. Raccourci a été enregistré au studio Le Chalet et est une co-réalisation de Danny Placard, Mathieu Rodier et Jeffrey Côté. Parfois plutôt folk, parfois plutôt rock, l'esprit de l'album demeure toutefois très country. Le cowboy solitaire chante sa solitude, son ennui, l'amour à distance, le besoin de fuir la ville, les grands espaces qui l'appellent. Raccourci s'écoute comme un road movie qui aurait toutefois lieu dans la campagne québécoise. L'ajout d'un violon vient accentuer le côté folk de l'album et la présence des cuivres se fait beaucoup plus sentir que sur les albums précédents de Danny. Danny Placard nous a d'abord donné deux albums avec la formation Plywood 3 quarts, un album éponyme en 2002 et un second intitulé Beauté mécanique en 2004. C'est en 2005 qu'il lance un premier album solo intitulé Rendre l'Église qui a reçu un accueil très chaleureux de la part des critiques et du public. Le premier extrait radio de ce nouveau long jeu, Slush, est maintenant disponible sur 45 Tours, qui est un site de téléchargement de musique québécois. Outre le lancement sur Montréal, Danny Placard sera à Québec le 5 avril prochain dans les studios de la radio CKRL. Il donnera un avant-goût de son album aux auditeurs de Québec lors d'une performance d'une heure, de 18h à 19h. Il va être aussi en spectacle le 1er mai au Téléphone Rouge à Sherbrooke et le 8 mai au Cabaret de Montréal. Si vous voulez plus d'informations, allez voir le myspace.com/DannyPlacard ou encore le dannyplacard.ca. Les membres du band sont Danny Placard à la voix, guitare électrique et téléphone. Benoît Rochelot au Rhodes, trombone, charango, mélodica, chœur et percussion. Patrick Hamilton, j'imagine, à la basse, contrebasse et chœur. Jean-François Minot, batterie chœur. Brian Lipson à la trompette. Roger Miron au lap steel, guitare électrique. Et Catherine Planète au violon et au chœur. Voilà. Je répète l'adresse myspace.com/DannyPlacard ou DannyPlacard.ca. Et je répète le nom de l'album de Danny Placard qui s'appelle Raccourci. Voilà. Maintenant, mais avant de continuer avec d'autres anglophones, j'ai envie de passer une pièce d'un album qu'on a re-reçu cette semaine. La formation Polyp, c'était un de mes albums. En fait, c'est pas un album complet, c'est un maxi, mais quand même un de mes albums préférés de 2007. On l'a reçu à nouveau dans un autre style de pochette. C'est les mêmes pièces. Et on s'en va entendre une pièce qui était sur les palmarès de C'est Fou. Voici Régulier. Tout de suite, dans le poste d'écoute, on découvre les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que vous, sauf exception, au 89.1 FM. C'est fou dans vos oreilles! Un classique assez fou, super humain de la formation Polype. Ça tourne très souvent sur nos ondes du Polype et c'est vraiment excellent. Et ça, c'est une réédition. Ils nous ont renvoyé leur maxi. Ça me tente d'en passer une pièce. Parlons d'eux. Profitons de cette chance pour reparler d'eux. Trois natifs de Saint-Antoine de Tilly. Polype Antoine, basse et chant. Francis, guitare et chant. Et Pierre-Luc à la batterie. C'est un trio rock francophone qui, par sa liberté créatrice, son éclectisme et son énergie, nous plonge dans une atmosphère de fête inoubliable. Les trois membres de Polype ont beaucoup appris des anglo-saxons et ils ne se gênent pas pour montrer leurs influences des années 60 et 70, en enveloppant le tout avec des sonorités plus modernes et novatrices. Appartenant à la scène montréalaise, le groupe nous présente une musique pop-rock audacieuse, dansante et mélodieuse, dit leur biographie. À la suite d'une première parution lancée en février dernier, Polype a offert des performances époustouflantes à Montréal, puis de 50 concerts dans la métropole et à Québec. Les trois comparses ont ainsi pu, ont aussi pu faire connaître au, se faire connaître pardon, aux quatre coins de la province en assurant la première partie de la tournée printanière de Navet Confit en mars et avril dernier. Le groupe a figuré en tête des palmarès des radios universitaires, dont C'est fou, en plus de participer à des événements d'envergure comme les Francopholies de Montréal et le Festival Pop Montréal. Des débuts prometteurs pour Polype qui prendra la route au printemps pour visiter plus d'une douzaine de salles au Québec et en Ontario avant de retourner en studio pour l'enregistrement de leur premier album complet, à paraître à l'automne 2008. Donc voilà pour Polype. On passe très rapidement pour la fin de la première heure avec quelques pièces de Los Campesinos, une formation que j'adore, je trouve ça génial. Ils ont été sur le palmarès il y a quelques mois de ça. Avec un mini-album. Et là, on a reçu un album complet qui s'appelle Hold On Now, Youngsters. Youngster, oui, au singulier. Et tout de suite, voici la pièce Death to Los Campesinos. Ça va terminer l'émission. On va aussi entendre la pièce Broken Heartbeats Sound Like Break Beats dans le poste d'écoute. Los Campesinos avec Death to Los Campesinos de leur nouvel album Hold On Now, Youngster. Juste avant, il y a à peine 3 minutes, on écoutait du Polype. J'ai oublié de vous dire qu'ils vont être en spectacle le 21 mars. Et ça donne à être ce soir, si vous écoutez en direct, à l'Asile avec les Breastfeeders. C'est à 21h à Joliette. Demain, le 22 mars à 21h, aux Haricots de Saint-Hyacinthe. Le 27 mars à 19h30, ils vont être à l'émission Baromètre de Canal Vox. Le reste des dates, c'est sur le myspace.com/Polype. Rapidement, Los Campesinos vont être aussi en spectacle à Montréal, au Petit Campus, le 22 mai à 20h. Je sais que c'est encore un peu loin, mais quand même, allez voir le myspace.com/Los Campesinos pour vous renseigner renseigner sur eux. Alexandra, Ellen, Garrett, Harriet, Neil, Holly et Tom Campesinos dans ce groupe-là qui vient de Cardiff au Royaume-Uni. C'est un groupe de pop indie punk. On a écouté Death to Los Campesinos il y a quelques minutes. On s'en va entendre tout de suite. Broken Heartbeats sound like brick beats. Pas d'écoute, restez là, deuxième heure dans quelques minutes. Please don't tell me to do the math. Please don't tell me. that Levi, she's outside the door. Cause that was the point of us at home with the moon pouring through the curtains, working on our attitude towards the second-hand bookshop employees, reading the inscriptions that were never meant for their eyes. deuxième heure du Poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que vous. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Et bien, dans cette deuxième heure, on la commence en fait par une chronique qui n'a toujours pas de nom. On devrait peut-être en trouver un. Avec Geneviève Beaulieu-Veilleux. Oui, c'est bien ça. Et moi, c'est quoi mon nom déjà? Mathieu Plante. Plante. On est bon aujourd'hui. On n'est pas pire. Ah, c'est vendredi saint. Ben oui, c'est ça. On donne notre best. Des lapins, nous autres. On est comme des petits lapins, on est tous excités. En tout cas, donc, Geneviève Beaulieu-Veilleux, ça voulait c'est rien douteux, dire. C'est ça. Changeons de sujet. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous parle cette semaine, en fait, d'un groupe montréalais nommé Éléphantine. Ce groupe-là, il a fait ses débuts en 2005, début 2006. Le groupe, au début, formait un trio de trois gars qui se retrouve maintenant avec 6 membres, toujours uniquement masculins. Le style, c'est électropop franco-relax. Ça a l'air bien gros, mais vous allez voir un peu tantôt, je vais vous faire écouter une pièce. Le groupe se dit inspiré par Radiohead, Yann Perrault, Carquois. On voit un peu le genre de musique. Moi, ça me fait penser aussi aux deux Daniel, soit Daniel Boucher et Daniel Bélanger. Donc, un style plus flyé, avec des paroles super élaborées. Un genre super planant, relaxant. C'est un style musical pas à écouter pour, comme musique d'ambiance ou pour s'entraîner, pour danser. C'est des sonorités et des arrangements épurés sans superflu. Donc, j'ai fait l'écoute de leur premier EP, c'est-à-dire un maxi, quelques chansons oui, pour spécifier. Pas un album complet, dans le fond. Un EP, par contre. Un EP. Ah, ça devient mêlant. Plein de façons de le dire et plein de façons de faire que les gens ne comprennent pas ce que c'est. Celle qui vous plaît le plus. Donc, dans ce premier EP intitulé « Sous le règne des lampadaires », on retrouve un style très acoustique avec la présence parfois de synthétiseurs par-ci par-là. L'instrument principal, par contre, c'est la guitare. Donc, le plus souvent, la guitare est acoustique, mais aussi électrique. On retrouve de la basse également, de la batterie et même du violoncelle sur une chanson. La musique est davantage conçue, je dirais, pour une écoute que pour donner de l'ambiance ou entraîner, comme j'ai dit tantôt. Les paroles méritent une attention particulière. Elles sont parfois formulées de manière hermétique, mais le message qui est véhiculé, c'est quand même assez simple. Donc, on comprend, mais des fois, de la manière c'est abordé, dans le fond, c'est un peu mêlant. Mais je pense que c'était le but du groupe aussi. Donc, une idée aussi originale du groupe, c'est de représenter, d'illustrer dans le concret ce qui est dit dans leurs paroles. Je te donne un exemple. Si une chanson parle d'attente, on peut entendre une voix féminine parler comme une boîte vocale. Ah. « Bonjour, votre appel est important pour nous. » Dans ce genre, tu fais comme le saut au début, tu dis « Ah, c'est-tu dans le disque, ça? » Et aussi, dans la chanson intitulée « Les passants », on peut entendre plusieurs voix différentes, comme si on se retrouvait dans un carrefour. Alors là, c'est brillant, il y a comme une espèce de chaos. Ça donne un effet bien intéressant. Les thèmes abordés sur l'album, c'est l'ennui, l'indifférence, l'impatience. Donc, un petit peu pessimiste, sombre. On peut entendre les paroles suivantes sur l'album, quelques exemples. L'ennui, c'est l'enfer. L'ennui, c'est froid, froid comme un mort. Alors, encore les aveugles me dévisagent comme un fou. Je crois au mirage. Arrêtez devant les égouts, humés, putréfaction. Tu vois un peu le genre, Mathieu? Mm-hmm. Okay. Maintenant, côté voix, on a affaire à un chanteur doté d'une voix plutôt grave, davantage parlée que chantée. La voix est calme, posée. Ça convient très bien dans le genre musical. Et je trouve aussi bon de souligner le côté original de la pochette de l'album d'Éléphantine. Ce sont des dessins un peu dans le style naïf, qui représentent 6 personnes, sans doute les membres du groupe. Au-dessus de leur tête, on retrouve le fameux lampadaire qui a inspiré, dans le fond, le titre de l'album. Et sur ce lampadaire, on retrouve non seulement des oiseaux, des fils électriques, il y a des oiseaux et des souliers. Donc, un style un peu bizarre, naïf. Le compliment, donc, que je trouve original, il revient à l'artiste qui a créé cette fameuse pochette, qui a fait le graphisme, c'est Marie-Ève Détremblay. Alors, bravo Marie-Ève. Mon opinion personnelle maintenant de l'album, c'est plutôt partagé dans le sens où je suis peut-être moins portée à écouter ce genre de musique-là. Une musique planante, comme le groupe le propose, mais j'apprécie le côté créatif, les paroles crues, tu sais, qui nous font sourire, dans le fond. Les arrangements de l'album, alors, pour ça, une petite claque dans le dos, là, bravo! Maintenant, c'est à vous de vous faire votre propre opinion, puisqu'on s'en va écouter tout de suite une chanson d'Éléphantine, qui se nomme « Oublier la lumière des phares ». C'est une chanson avec l'air, je dirais, le plus joyeux de l'album. J'aime bien les sifflements au début qui amorcent le début de la chanson. C'est comme un petit vent d'insouciance, là. Ah, ça me rend heureuse. Donc, sans plus tarder, Mathieu, on écoute la chanson « Oublier l'effort au poste d'écoute à 89,1. C'est fou! Fantine avec la pièce « Oublier la lumière des phares » de leur album « Sous le règne des lampadaires ». C'est dans la chronique, le bloc, le segment de Geneviève Beaulieu-Veillé. Wow, j'ai plein de noms, j'aime ça. Oui, plein de noms, trois. Geneviève Beaulieu-Veillé. OK, alors pour les intéressés, toujours à propos du groupe Éléphantine, on rappelle que le groupe sera à la salle Rossa de Québec le 14 avril prochain pour le lancement de leur mini-album. Voilà. D'accord. On s'en va entendre une deuxième pièce. Oui. Laquelle? On s'en va écouter la première pièce de leur album, de leur EP, de leur maxi, En attente d'un moment présent, à CFOU 89,1. Dans vos oreilles.

de retour à Assez Fou 89,1 en compagnie de Mathieu et moi-même, Geneviève. On vient d'entendre le groupe Éléphantine avec Les Passants. Et on s'en va maintenant entendre la pièce... Non, on a déjà entendu l'autre avant. Qui s'appelait « En attente de m'en présent ». Pas quatre. T'ambitionnes, là, par exemple. J'ai trop tiré ça à corde. D'accord. Mais merci beaucoup, Geneviève Bouilleux-Veilleux. Ça me fait plaisir. On se voit la semaine prochaine, Mathieu. Oui, j'ai bien hâte. L'album d'Éléphantine s'appelle « Sous le règne des lampadaires ». Oui. On passe à de l'anglophone maintenant. Tirons un petit peu la corde de l'anglophone cette fois-ci. De ton bar, je veux l'avoir. C'est la couverte de mon bar. Oh, ça, c'était louche aussi. Hein. Prochaine formation, c'est The Coast avec leur album Expatriate. On s'en va entendre une pièce qui s'appelle Tightrope, suivie de Nueva York. Dans le poste d'écoute au 89 FM. À Trois-Rivières et partout dans le monde sur cfou.ca. Autre pièce de The Coast au retour dans le poste d'écoute au 89.1 FM. Vous synthonisez le poste d'écoute de C'est Fou au 89.1 FM et voici une autre pièce de The Coast, Nueva York, dans vos oreilles. I got down. c'est fou dans vos oreilles. Formation canadienne The Coast avec la troisième pièce de leur album, c'est The Moon Is Dead, précédée de Nueva York et de Tight Rope, ça vient de l'album Expatriate. C'est une nouveauté reçue assez fou pendant la semaine. Je vais commencer en disant tout de suite qu'ils vont être à Montréal, au Divan Orange, le 21 mai. Ça fait partie de leur douzaine et ils ont presque une centaine de spectacles sur leur MySpace. C'est fou comment ils se promènent. Ben, Ian, Yord et Luke de la formation The Coast, c'est un groupe de Toronto, pop indie alternatif. Et puis ils disent que ça, leur influence, c'est la brise d'été et l'été et l'odeur du gazon fraîchement coupé. C'est beau, hein? myspace.com/thecoastmusic ou thecoastmusic.com. J'ai bien apprécié leur album Expatriate. On retourne aux francophones maintenant. On s'en va entendre du Vito. Oui, la formation Vito avec leur EP ou leur maxi démo. On commence tout de suite par la pièce Infirme Attente. Rock. Et on parlera du groupe juste après. Si dans le poste d'écoute, on découvre les nouveautés pour la première fois en même temps que vous au 89.1 FM. Dans après le temps, pour voir mes papiers. chez nous, plus rien y faire. J'attends, je l'attends, tout le temps pour qu'il frappe en l'air. Sauf que je suis tanné d'être chez nous. Je n'attends plus la présence, je n'attends plus sa présence. Bye. formation montréalaise Vito avec deux pièces de leur hippie, leur maxi roulement cyclique précédé de Infirme Attente. Live de votre garage, probablement. J'ai écouté ça une fois, je peux pas vraiment faire d'opinion vraiment fondée, là, mais ça sonne drôle. Hein? Vito, donc, je me nomme, lisons le document de presse, la biographie envoyée par le groupe même. Je me nomme Eduardo Vinotto et je fais partie du groupe Vito. Nous sommes un groupe de musique rock et chantons majoritairement en français et quelque peu en anglais. Vito est composé de quatre musiciens de la région de Montréal, Yann Tomaselli au micro et à la basse, Philippe Bédard à la guitare, Christian Canas à la guitare et moi-même à la batterie. Nous avons débuté ce projet il y a 5 ans, principalement pour s'amuser et passer un peu de temps entre amis. Nous avons fait quelques concerts, le dernier fut au Saint-Cyboire en novembre 2007, nous prévoyons en faire un autre au cours de l'été 2008. Je vous présente notre nouveau démo intitulé « Des mots ». Des mots, jeu de mots. Elle comporte 7 pièces, dont 5 en français et 2 en anglais. À travers ces pièces, nous abordons plusieurs sujets, comme l'ennui d'un paraplégique dans Infirme Attente, l'argent dans Roulement Cyclique, notre mode de vie dans Zombie Automate, la violence dans Rage in Violence et une disparition dans la balade Where Did You Go. C'est avec notre son plutôt rock garage que nous croyons pouvoir intéresser un certain auditoire. J'en doute pas, mais cet auditoire n'est malheureusement pas le mien. Voilà. Donc page.vidéo3.ca/NAY ou encore le myspace.com/VitoMusic, V-E-E-T-O Music en anglais, un groupe de Montréal garage rock alternatif, voilà pour eux. C'est du bon francophone, c'est un style, disons, c'est un style. On termine cette deuxième heure du poste d'écoute avec la formation Shelter with Thieves. Leur album s'appelle Dark Chapter in the Human Experiment. On va aller entendre, premièrement, la pièce qui ouvre cet album, elle s'appelle Nursery Crime, ça va être suivi de Wreckage. Mais avant ça, juste pour vous dire que c'est un groupe d'alternatifs rock hardcore de Halifax, en Nouvelle-Écosse, au Canada. Les membres sont Mike Johnson, Lloyd Smith, Matt Johnson, Dave Mullet. Voilà, myspace.com/ShelterWithThieves ou encore le ShelterWithThieves.com. On se quitte avec leur pièce Nursery Crimes, ça sera suivi de Wreckage. Et vous, restez là parce que le poste d'écoute continue pour une troisième heure dans quelques instants. We'll be right back. Troisième heure du poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés pour la première fois en même temps que vous. Oui, on déballe les nouveautés que Cifou a reçues depuis les 7 derniers jours et on vous les fait entendre les unes après les autres. On donne un genre de verdict, si on veut. On devrait peut-être donner un verdict plus souvent, donner notre opinion plus souvent. Dans mon cas, je me le fais dire assez souvent. Tu donnes plutôt une opinion, t'es rendu plat, t'es rendu trop fin. Si quelque chose est mauvais, je vais le couper, mais il faut que ce soit vraiment très, très, très, très mauvais ou quétaine ou non diffusable à Cifou. Quand les choses qui sont moyennes, je l'ai dit tantôt. Vito, moi. Tout ça dans l'écoute de Mars, voici la pièce titre de son album Terriblement Terrestre dans le poste d'écoute au 89.1 FM dans vos oreilles. Terriblement terrible. de mars avec la pièce Toi, précédée de Terriblement Terrestre. Ça, c'était la pièce titre de son nouvel album. Verdict de ma part, très personnel, très, comment dire, subjectif. Moi, ça m'intrigue pas tant que ça, mais de mers, parlons-en un petit peu. Il y a de ces belles surprises qui nous arrivent si soudainement qu'il faut bien leur accorder le temps d'une pause pour y refléter sagement. Nouvel artiste au Québec, De Mars nous propose tout un gisement d'albums intitulé Terriblement Terrestre qui en mérite autant, dit le document de presse. Natif de l'Outaouais, De Mars, musicien autodidacte, s'amène comme un séisme d'envergure. D'abord et avant tout concepteur de bandes sonores pour divers projets cinématographiques et télévisuels. Il travaille aussi à différents niveaux avec, entre autres, Ariane Gauthier, Projet Orange, Leslie O et le comédien Gaston Lepage. Ce dernier d'ailleurs narre une pièce de l'album L'aventure L'aventure débuta fin 2004. Bifurcation d'événements l'amenèrent à de sérieuses décisions, d'où naquit l'idée de réaliser un album pop alternatif francophone. De travail acharné en aboutit un produit de calibre enviable. Terriblement Terrestre consiste en 14 plages originales à l'éclectisme pop alternatif déchirant. J'ai un peu de misère aujourd'hui. Le style puisé à même diverses influences de l'artiste voyage de Peter Gabriel à Serge Fiori en passant par U2 et Daniel Bélanger. Compositeur, claviériste et chanteur à la voix rocailleuse pourvue d'une maturité et d'un charisme désarmant, il livre des textes vibrants d'émotion. Jumelé à cette facilité dont il est doté, il leur coule des mélodies justes et prévisibles. De Mars, imprévisible, ben oui, il me semblait qu'il n'allait pas dire prévisible dans le texte. De Mars se fixa comme objectif ce désir de passionner les auditeurs et s'est fort probablement surpris lui-même d'en avoir fait autant. Préoccupé par des sujets dont l'autodestruction, il est aussi amoureux de cette planète bleue, ça dit. De Mars nous chante ses états d'âme. Voilà. Combien les choses se sont métamorphosées pour lui pendant ses 3 années de recherche sonore et de composition, continuant de relever le défi, vient se rajouter en force à cette batterie d'éclats mélodieux à teneur haute performance, tout un ouvrage pop alternatif francophone. De Mars, inconnu du grand public jusqu'à maintenant, on surprendra plus d'un avec ce premier opus. Imprégnez-vous, Louis, de cet envoûtant sort bienfaisant. Communiqué de presse, difficile à lire, je trouve, de la part de Disque Coléoptère, mais bon, donc De Mars, si vous voulez en savoir plus sur lui, c'est très très simple, l'adresse de son site internet est la suivante: demarsmusique.com, demarsmusique en français.com ou myspace.com/demarsmusique. Son album s'appelle encore une fois Terriblement Terrestre. On passe à quelque chose de complètement différent, mais quand même francophone. C'est le nouvel album de Bia qui s'appelle Nocturno. Et on commence par la pièce Feyo. Et les prononciations, c'est pas mon truc aujourd'hui. Dans le poste d'écoute, on découvre les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que vous à C'est Fou 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Sendo tão triste, tá chovendo, tá crescendo, insiste, tá doendo, tá crescendo, escuridão, anoitecendo. Crescendo, escuro pão. Mãe. Une autre pièce de Bia, c'est ce qui s'en vient après la pause dans le poste d'écoute. Avec les deux pièces qui ouvrent l'album Nocturno. On va commencer par Fio et puis ça c'est Caminar, son nouvel album Nocturno. Parlons un petit peu de Bia en lisant comme toujours le document de presse. J'aime toujours lire ça même si c'est rempli de n'importe quel mensonge. Bia donne enfin suite au splendide Cœur Vagabond paru en 2005. À travers ses tournées sur les chemins du monde et quelques projets connexes, dont la traduction l'an dernier des chansons composant le livre-disque pour enfants Le Géant de la Forêt, la chanteuse d'origine brésilienne a patiemment élaboré Nocturno, sans doute son album le plus achevé à ce jour, évidemment. Le tournoi lancé le 26 mars prochain sous l'étiquette Audiogramme est une véritable traversée de la nuit, un voyage aux mille couleurs poétiques et musicales qui fera passer l'auditeur, pour employer les mots de Bia, par les différents quartiers de son âme. Au cœur du voyage, bercé par différents univers musicaux, aux parfums de folk brésilien, zeste de Zydeco et autres envolées lunaires, les cuivres et les bois donnent à la nuit des teintes singulières. Bon, oh, ça rime en plus. On connaîtra des moments de rêverie, d'intériorité, de grâce, mais aussi des envolées festives exaltées. Nocturno comporte ces deux faces-là et les visiteurs croisés en chemin, dont Lassa et Thomas Hillman, y apporteront leur signature sensuelle. Allez voir le BIA Music avec un K à la fin.com, BIA Music avec un K.com. Si vous voulez avoir plus d'informations sur Bia. Son nouvel album s'appelle Nocturno, un grand vol de nuit en compagnie de Bia. On passe à de l'électronique un peu. J'ai envie d'entendre de l'électronique. On va aller entendre Revolution Music by Numbers. Je sais pas si je dois dire Revolution 9 parce que le 9 apparaît dans le titre de l'album sur le côté. Voici la pièce Computer Girl. Je devrais aimer ça, je pense. Computer Girl, tout de suite. Dans le poste d'écoute, on découvre les nouveautés musicales pour la première fois, en même temps que vous, au 89.fm. Ou cfou.ca pour ceux qui ont une fille, ordinateur. Tapez sur votre fille, cfou.ca. Tac, tac, tac. When I am alone and I need someone, I can always turn on my girl. She is better than any human friend, 'cause she doesn't come from this world. She will walk with me by the open sea and recite to me poetry. She can make me laugh, though she doesn't have any funny bone underneath. She knows just what she wants to say, made by hand, but maybe far away. Some parts that I saved, so I took her lips and her microchip. Now I sleep to my microwave. Set you free. Do you want to? Un beau sous de main avec la pièce Throughout the World, précédée de Computer Girls avec leur nouvel album Music by Numbers. C'est un groupe de pop électronica alternatif d'Hollywood en Californie. myspace.com/révolution9 ou encore révolution9.com. Les membres sont Kevin M. Ahern à la voix, le clavier, la guitare et la programmation, et Jason N. Beatty au clavier et à la programmation. Je répète le nom du groupe, Revolution 9, et l'album s'appelle Music by Numbers. Moi, j'ai bien aimé. Il y a même une pièce là, autre que Computer Girl qui est déjà, on dirait, écrite pour moi. Eh bien, aussi, je blague, la pièce Radio, hein, qui fait très bien dans votre radio. On passe à quelque chose d'autre, de complètement différent. En fait, c'est du métal. C'est un groupe, qui s'appelle, qui sont un rock band. Voilà ce que je voulais dire, de Québec, la ville de Québec. Un groupe de 5 membres, ça s'appelle Do, la formation D-O-H. Ils travaillent sur leur premier album avec Pierre Rémillard comme directeur musical. Ils planifient sortir l'album l'automne prochain. Do, c'est... ils font aussi des versions... Ah non, c'est ça. J'essaie de lire avec leur mauvais anglais et traduire ça en mauvais français. Donc, ça dit qu'ils font une version étonnante du thème de Ghostbusters, mais en métal. Hein? Site web metalacademy.com, voici Do et Ghostbusters. Ça risque d'être vraiment spécial. Dans le poste d'écoute, au 89.1 FM, dans vos oreilles. Are you gonna call Ghostbusters? If there's something La formation montréalaise Do avec Ghostbusters. Je m'attendais à quelque chose de plus avec ça, j'ai bien aimé. Je trouve que c'était très bon. Rock, metal, glam de Montréal. Metal Academy, c'est un peu leur slogan. MySpace.com/DOH Metal Academy avec un Y qui va être en spectacle en mai à Sainte-Julie et à Québec, à Montréal. Ensuite en juin à Saint-Hyacinthe et Saint-Jean-sur-Richelieu. Les dates sont sur leur MySpace. Ça dit aussi que ben, les membres du groupe sont Mighty Bros à la voix, Yann Vinet à la guitare, Sly D aussi à la rhythm guitar, Jay Redskin à la bass et Steve D à la batterie. Je répète, metalacademy.com ou myspace.com/DoMetalAcademy. C'est pas mal tout ce qu'on a reçu de leur part. C'était un single. On continue avec un groupe canadien, le Dana Wiley Band. Leur nouvel album s'appelle The Unruly Ones et on commence par la pièce Talent Crush. Tout de suite. I'm jealous of the girlfriend that you had in 1999. I don't know who she was or what she looked like, or if you're still with her now. You could be with anybody by now. I don't know, because we've never met, and I can't find a decent bio on the internet. But I've come to learn, the less I know of you, there's a better chance that way that I will love you forever. Didn't think about you much till I saw the 40 Fisher Sessions DVD. I really liked how when you sang back up, your lips curled back and showed your teeth. You keep time like you could really give a shit about keeping time. That old feeling started creeping up like I should track you down and make you mine. Skill and grace, your quirky comments and your funny face. Well, stay right there, mister, stay up on that pedestal, cause if you dare come down, I'm sure to crumble under the weight of your flesh and bone and blood and guts. So talent crush, it's better this way, trust me. Don't come too close, you're sure to crush me. Separated by a couple thousand miles in 7 years, but that's the kind of distance that I'm learning to hold very dear. Cause in the past when admiration led to a desire for emulation, and I checked it out, I can't say I ever found anything I had hoped for or expected. Cause those bastards messed up Judy Garland, Lady Day and Marilyn. If Mia Farrow tells it right, the Woody Allen is a bad, bad man. Picasso was a masochistic, chauvinistic nightmare. And as for Michael Jackson, man, I'm not even gonna go there. Oh, you're my talent crush, and I love you for your skill and grace, your quirky comments and your funny face. Stay right there, mister, stay up on that pedestal, cause if you dare come down, I'm sure to crumble under the weight of your flesh and bone and blood and guts. So talent crush, it's better this way, trust me. Don't come too close, you're sure to crush me. Things being how they are these days, it would be nice to know that your conscience is as clean as your drumming and your heart half as big as your ego. But I'm gonna let it go for now and let the music be enough. And when the DVD's over, I'll press stop and curl up with the one I love. dans vos oreilles. Ronnie didn't mean to be the greatest, but I think he probably always had a feeling. Ronnie only played to distract himself from things a little boy shouldn't be seeing. He worked fast, he shot hard, he threw them all off guard. He became everybody's glory boy, and everybody loves a good story. To believe that magic is real, words don't often mean a lot these days. They're misused, abused, and used to confuse rather than convey. But when a word's true, it rings true like a cannon that's been properly cued. And they only use the word genius about the unruly ones. Ronnie didn't mean to cause a ruckus, but one day he got everybody talking. Wasn't feeling right, his bow tie was too tight. He shook his opponent's hand and went walking. The commentators were shocked and dismayed. This wasn't what their bosses paid for. Fall of the glory boy, oh, but everybody loves a good story to say hi. Always knew magic wasn't real. Words don't often mean a lot these days. They're misused, abused, and used to confuse rather than convey. But when a word's true, it rings true like a cannon that's been properly cued, and they only use the word genius about the unruly ones. Le dernier Wiley Band avec la pièce The Unruly Ones, la pièce titre de leur nouvel album, un groupe d'acoustique roots music pop, DanaWiley.net. DanaWiley.net. Difficile à retenir, mais ce qui est plus facile, c'est le www.unechance.com. Elle va participer à un paquet d'événements et de festivals de jazz pendant l'été jusqu'en septembre. Allez voir le myspace.com/DanaWileyBand pour en savoir plus et pour entendre quelques pièces de son album. Nous, bon, on doit déjà se quitter. C'est la fin du poste d'écoute pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir été là. Évidemment, c'était très amusant d'écouter ces nouveautés pendant 3 heures. Je vous retrouve la semaine prochaine. C'est toujours en direct les vendredis matins à 10h. En rappel, les samedis et mardis à 13h. Je vous retrouve aussi à La Connexion, l'émission d'informatique et de jeux vidéo. Ça, c'est les jeudis à 11h et les mardis à 9h. Et dans les pavards assez fous, les vendredis soirs à partir de 17h. Tout ça se retrouve de toute façon sur le cifou.ca si vous êtes mêlés dans les heures. Ça arrive. Le poste d'or cette semaine, c'est Los Campesinos avec Hold On Now, Youngster. À la semaine prochaine, Rock Classique. Nous suivons vendredi. Bye bye. He worked fast, he shot hard, he threw them all off guard. He became everybody's glory boy, and everybody loves a good story. To believe that magic is real, words don't often mean a lot these days. They're misused, abused, and used to confuse rather than convey. But when a word's true, it rings true like a cannon that's been properly cued. And they only use the word genius about the unruly ones. Ronnie didn't mean to cause a ruckus, but one day he got everybody talking. Ronnie wasn't feeling right, his bow tie was too tight. He shook his opponent's hand and went walking. The commentators were shocked and dismayed. This wasn't what their bosses paid for. Fall of the glory boy, oh, but everybody loves a good story to say hi. Always knew magic wasn't real. Words don't often mean a lot these days. They're misused, abused, and used to confuse rather than convey. But when a word's true, it rings true like a cannon that's been properly cued. And they only use the word genius about the unruly. Does he? We love to watch him, but he does. love to watch him do what he was born to do. Ronnie's PR people issued a statement of apology. Apology and regret, but it didn't sound like his accent to me. The audience loved to tell the tale of they were there when Ronnie bailed. I say, no need to be sorry, Ronnie, 'cause everybody loves a good story. You'll move on, they'll be telling that one for you. Words don't often mean a lot these days. They're misused, abused, and used to confuse rather than convey. But when a word's true, it rings true like a cannon that's been properly cued. And they only use the word genius about the unruly. Between tears and sweat, faith and doubt and pain and pleasure. But it's always the little things that are hardest, isn't it? The things for which you can't just fill out a form or call your lawyer, write a letter. But we're all bound by something, 'cause your mom was bound by expectation and you were bound by liberation. And me, the only thing that's binding me is this skill written legacy. And I can see that, yeah, I can see that. But the seer doesn't really see the future. He only knows what happened before. So is he doomed to just sit and watch as everything goes the way is always gonna go? There is so little keeping you from greatness, and you can't blame your parents or your kids or your husband or your circumstance. It would only take a little spark of understanding to light this torch back up again. You could see that so we are just little sparks dancing in the wind. I know that I idealize the past. All I know is your mom knew how to get down and make a fire. But you know you had your sights set higher. And now every generation is just teaching the next how to scramble around in the dark for what they desire. And the seer doesn't really see the future. He only knows what happened before. So is he doomed to just sit and watch as everything goes the way it was always gonna go? So little keeping us from greatness, Just the moment when what wasn't real became real, and what was real became unimportant. Just the moment when time became the enemy, and death became a tragedy. Just the moment when you forgot what love was and abandoned me. But I'm not your child, we are all children of the earth. I'm a common miracle, I'm the accident you planned, the expanding of the universe. I'm just one of the control freak monkeys who can make a medical procedure out of something as inevitable as birth. And the seer doesn't really see the future. He only knows what happened before. So is he doomed to just sit and watch as everything goes the way it was always gonna go?